Histoire vivante, c'est pour tout de suite. À l'écoute de nos programmes, passez un très bel après-midi. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, justice et écran. Tous nos témoins sont soumis à une forte tension. De Nuremberg à plus tard. Ce tribunal fonctionne selon des règles. Le droit et l'image. La plupart des personnes connaissent le droit à travers les films qu'ils voient. Je vous conseille fermement de ne vous rendre dans aucun pays qui reconnaisse la juridiction de la Cour pénale internationale. Nous sommes maintenant citoyens égaux de l'État libre d'Israël. La résolution nous le garantit. Pratiquement tous les pays du monde reconnaissent sa juridiction. Pas les États-Unis. Les garanties sont une chose et les réalités une autre. Les dés sont truqués, les règles sont faussées. Il y a assez peu de films critiques de la justice pénale internationale si on compare avec la littérature. Vous m'envoyez désolé, mais je ne suis pas d'accord avec l'interprétation de votre avocat. En fin de compte, il va se retirer ici avec la pension que la CIA lui verse. Et il vous enverra à vous et votre putain de tribunal de crimes de guerre vous faire foutre. Soit on se prête au jeu, soit on prend la porte. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Je m'appelle Elisabeth Claverie, je suis anthropologue au CNRS, qui est un organisme de recherche en France. Je travaille sur la justice pénale internationale, ce qui est pour moi une double chose. D'abord l'occasion de travailler sur les conflits armés contemporains. Je trouve que ces tribunaux, en effet, sont aujourd'hui parmi les meilleurs descripteurs des conflits armés. Ils sont précis, ils ont des moyens d'enquête qu'un anthropologue n'aurait pas. Et d'autre part, ils produisent une jurisprudence et toute une série d'éléments qui, et ça c'est le deuxième élément qui m'intéresse, le droit international humanitaire comme le droit pénal international, sont des choses très très passionnantes à étudier quand on les suit à travers le prisme jour après jour des procès. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui un droit en train de se faire, un droit extrêmement intéressant à regarder, à suivre. Et les déterminations du droit international aujourd'hui mettent en place des items, des éléments qui façonnent ensuite la description des conflits armés internes aujourd'hui. D'ordinaire, Elisabeth Claverie, on penserait plutôt que ceux qui s'intéressent prioritairement à ces questions-là appartiendraient plutôt au monde juridique. Les anthropologues ne sont pas nombreux. Vous avez quelques collègues ou vous êtes un peu toute seule au milieu de tout ça ? J'ai été amenée à ces questions parce que je faisais un terrain d'anthropologue en Bosnie avant la guerre. Je travaillais sur des phénomènes religieux en Bosnie avant la guerre et j'ai vu la guerre arriver sur ce terrain et c'est pour ça que je travaille sur des apparitions de la Vierge en Bosnie qui amenaient des pèlerinages du monde entier dans la région. Alors des apparitions ou des récits d'apparitions ? Des apparitions. Je voulais aller voir ce que c'était pour des modernes, pour des contemporains qui ont des cultures critiques importante, ce que c'était que de se retrouver sur des sites de ce genre. Et j'ai donc travaillé sur cette apparition à Medjugorje, près de Mostar, en Bosnie, pour voir ce qui se passait dans ce village bosniaque, pourquoi une Vierge y apparaissait. Et j'ai vu, je ne le savais pas à l'époque, naître un porteur, comme une apparition, c'est quelqu'un qui que la police communiste n'arrivait pas à attraper parce qu'elle sautait d'un arbre à l'autre, elle se cachait dans les caves, les foules lui couraient après, mais elle, on ne pouvait pas la saisir, elle parlait à des enfants, les enfants répétaient ses messages, et je ne savais pas encore que c'était des messages qui étaient des prodromes, des avant-coureurs d'un certain nombre de postures nationalistes, mais pas seulement. Et cette population qui ne pouvait pas parler à l'époque où je faisais ce terrain, juste après la mort de Tito, il y avait une espèce d'impossibilité pour les villages croates de parler de leurs missing persons, de leur, pour des tas de raisons. Des personnes disparues. Des disparues. Et cette Vierge qui faisait au fond figure de fantôme, on demandait à cette Vierge, les enfants demandaient à cette apparition des nouvelles de leur mort. Et la Vierge les voyait, décrivait où ils étaient, etc. Et petit à petit, s'est constitué autour des 5 et 6 voyants de Medjugorje, tout un travail politique, d'élaboration politique dans cette région, l'Herzégovine, qui était une région où, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Oustachis avaient été nombreux, mais où les Croates partisans avaient été très nombreux aussi. D'ailleurs, au passage, tout le monde ne l'ayant pas en tête, Elisabeth Claveri nous rappelait ce que sont les Oustachis. Les Oustachis, c'est un mouvement politique croate dominé par les nazis. C'est vraiment une formation nazie en Croatie. En échange de quoi ? En échange de ce pacte avec le diable, les Croates on leur promettait l'indépendance face aux Serbes. Les Oustachis d'Herzégovine étaient organisés en milices qui ont massacré en masse et systématiquement des civils serbes et qui se sont battus avec des formations de partisans. Il ne faudrait pas cependant penser que, même si ce mouvement Oustachi est un mouvement de l'État croate indépendant nazi, il n'en demeure pas moins que, y compris en Herzégovine, de très nombreux Croates appartenaient à d'autres mouvements. Et donc, à la fin de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, qui a un impact énorme pour la compréhension des événements des années 90, à la fin de la guerre, les partisans de Tito, qui avaient gagné cette guerre à très haut prix, c'est vraiment les partisans de Tito ont un groupe qui a lutté contre le fascisme, les Oustachis, le fascisme, mais aussi d'autres formations d'extrême droite, à très haut prix, ont mis en place ensuite des opérations à la fin de la guerre de rétaliation, de représailles, et un certain nombre de gens des villages où cette Vierge est apparue ont été chassés, mis dans des colonnes et des marches forcées, ils ne sont jamais revenus. Bref, un certain type de climat s'est ensuite mis en place dans cette région qui a généré des frustrations qu'on retrouve ensuite dans les formations ultranationalistes en Croatie et en Herzégovine. Une question, Elisabeth Claveri, pour que l'on se fixe bien le cadre temporel. Vous trouvez donc sur ces travaux relatifs à l'apparition, à quelle période ? Ou quelle année plus exactement ? Entre 1986 et le début de la guerre. Ah oui, vous auriez voulu le faire exprès, vous ne seriez pas pris autrement. Et donc, j'ai rien vu venir, j'ose à peine le dire, mais je travaillais sur ces mouvements, je ne les ai compris qu'ex post, c'est-à-dire je voyais bien qu'il y avait des éléments nationalistes dans les discours, progressivement, c'était pas ça au début. Je voyais bien un certain nombre de choses curieuses, mais je n'ai compris de quoi ils retournaient vraiment dans cette région qu'au début de la guerre. Et donc, je n'étais pas sur place dans les premiers jours des événements en Herzégovine, en mai 91, mais j'étais là dans un certain nombre d'événements où j'ai commencé à comprendre à la fin, deuxième moitié des années 90, avec ce qui se passait au Kosovo et qui rejaillissait en Herzégovine dans les discours des habitants chez lesquels j'habitais. En Yougoslavie, la situation se complique maintenant d'un problème de succession à la tête de l'État. La fédération yougoslave est dirigée par un représentant de l'une des 6 républiques qui assume donc à tour de rôle pendant un an la fonction de chef de l'État. Une élection normalement automatique, mais depuis les nouvelles tensions entre Serbes et Croates, la procédure menace de se bloquer et c'est justement un Serbe qui doit céder la place à un Croate. La tension entre les deux communautés est à son maximum. Elle est encore plus sensible dans les enclaves serbes ou croates, des villages souvent assiégés où les incidents sont quotidiens. À Tivljane, 1000 habitants serbes, on a voté oui à plus de 95% au référendum organisé dimanche. Oui à la sécession de la région de Krajina, une enclave serbe dans la Croatie. Les Serbes veulent vivre dans un seul pays, la Yougoslavie, dans les conditions d'avant, pas comme une minorité en Croatie. Ou ça alors ? Eh bien dans une république, la Serbie. Srbi. 1 kilomètre et 2 barrages de l'armée fédérale plus loin, une centaine de miliciens croates défendent les 1300 âmes de Kievo, enclave croate dans l'enclave serbe. J'ai reçu des ordres précis pour un travail classique de poste de police. Mais s'il le faut, nous sommes prêts à défendre ce village par la force, avec les armes. Tout, on faisait tout ensemble. On jouait à la pétanque, au foot, aux cartes, on dansait ensemble. On avait tout en commun. Évidemment, je suis en vie. Mais mes nerfs, c'est de pire en pire. J'ai commencé à haïr et je ne veux pas de cela. Je n'ai jamais haï de ma vie. Resterez-vous ici, quoi qu'il arrive? Oui, vous pouvez en être sûr. Et puis, si je ne peux pas rester ici, je n'ai nulle part où aller. Isabelle Claverie, dans la première partie d'entretien, vous nous avez indiqué que la Seconde Guerre mondiale est à prendre comme véritablement socle de référence quant aux événements qui se sont déroulés plusieurs décennies plus tard. Aidez-nous à comprendre dans quelle mesure il y a ce lien-là. Et puisque je vous ai lu, je sais que la nature de ce lien a à voir, si on peut le résumer ainsi, avec une déformation et une instrumentalisation de la mémoire. J'ai écrit, moi, on a puisé dans le passé, on a truqué les cartes. Est-ce que cette expression vous sied? Et puis, voilà. Tout à fait. Il y a deux éléments. Pour mon apprentissage de cette région, l'Herzégovine, donc une région à l'est de la Bosnie-Herzégovine, à l'époque en Yougoslavie, deux choses m'ont énormément frappée. C'est que, quand je suis arrivée au village, en Herzégovine, on me décrivait les gens qui étaient au pouvoir comme des Turcs. Et à entendre les gens, l'Empire ottoman avait été terminé depuis 3 jours. Donc j'ai commencé à me demander... Lundi dernier. Pas lundi matin, mais lundi dernier. Oui. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des jeux de transfert... Pour les gens de cette région, pour les Croates de cette région, les Croates d'Herzégovine, qui sont entourés, comme partout en ex-Yougoslavie à cette époque, de villages musulmans et de villages serbes. Pour les Croates de cette région, de Bosnie, le pouvoir est resté dans les mains de ce qu'ils appellent les musulmans, ou qui peuvent appeler aussi bien les communistes. Ils disaient les communistes pour dire les Turcs, pour dire les Ottomans, c'était la même chose. Ce serait plus du tout le cas aujourd'hui, bien sûr, mais juste avant la guerre, dans la fin des années 80, après la mort de Tito, lorsque la presse a publié de nombreux articles sur ces soi-disant apparitions, puisqu'ils les appelaient des soi-disant apparitions, ces soi-disant apparitions recouvraient quelque chose qui était le complot oustachi. Donc, très vite, si vous voulez, le répertoire d'accusations contre cette vierge a immédiatement été pris dans un lexique politique immédiat. Et de tous côtés, et les interlocuteurs de ce petit jeu, c'était les Tchétniques, les Oustachis, les Turcs. Donc des entités qui, après 40 ans de communisme, qui essayaient de ne plus jouer avec les ethnies, étaient quand même très très très surprenantes. Et donc j'ai quand même vite compris qu'elles n'étaient pas nées comme ça. Et que, même si dans les espaces domestiques, dans les familles, à condition que ce ne soit pas sur la scène publique, si on voulait avoir un visa pour aller travailler en Allemagne, il fallait avoir un certain type de langage, et on ne pouvait pas lancer des accusations contre le Parti communiste, ni se revendiquer de quoi que ce soit, sauf à la table familiale, dans la petite sphère où on pouvait parler. Et là, toutes sortes d'accusations fusaient, mais je me suis bien vite rendu compte que des chansons cryptées, essayer de relancer ces mémoires. Et le rôle de cette apparition, maintenant je vais en parler non plus comme un anthropologue qui essaye de comprendre de quoi était remplie cette Vierge, avec quoi ce fantôme était rempli, je me suis rendu compte qu'elle était effectivement, elle aussi, instrumentalisée. C'est pas le tout du personnage, mais très vite, ses porte-paroles ont été, pas tout de suite, mais très vite, ses porte-paroles ont été les nationalistes croates. De même que ceux qui lui opposaient des raisons rationalistes étaient certains fragments du Parti communiste. J'ai assisté à des scènes du type, il était dit aux voyants, si tu continues, je vais t'emmener au poste, mais est-ce que tu pourrais lui dire que mon fils réussisse le bac? Donc, c'était beaucoup des jeux comme ça. C'était beaucoup de... Puisque ces gamins qui étaient les derniers des derniers, dans un dernier des villages, étaient suivis désormais par des foules entières, ils avaient conquis une espèce de force, d'influence. Les vieilles du village essayaient de montrer par toutes sortes de tests que cette apparition en était bien une. Et donc, les enfants avaient une oreille au ciel extrêmement puissante. Donc, toutes sortes de gens, y compris les gens du parti à Mostar, essayaient de les approcher, tout en les menaçant, en les plaçant à la morgue de Mostar, par exemple, pour les impressionner, etc., de déjouer le complot oustachi en cours. Donc, on est à chaque fois sur plusieurs registres. Elisabeth Claverie, évidemment, quand vous partez, vous vous entendez parler de ce phénomène et vous choisissez d'aller travailler dessus, j'imagine que par un instant, vous n'avez ces clés de lecture. Et obtenir ces clés de lecture sur place, parvenir à les forger, à les comprendre, nécessite... Alors, vous comprenez la langue, vous avez... Non, même quand j'arrive, pas. Non, je travaillais sur des pèlerinages à partir de la France. Ma question, c'était comment est-ce que des gens qui travaillent dans des bureaux en France aujourd'hui, des urbains, vont au fin fond d'un pays qu'ils ne connaissent pas. Ils appellent ça aller chez la Vierge. Moi, j'étais pas du tout balkanologue. Je suivais simplement ces gens parce que j'avais travaillé sur des apparitions en Italie. Je m'intéressais au phénomène apparition. Et donc, c'est une fois sur place et au bout d'un certain nombre de fois que j'ai tout à coup réalisé que j'étais en Bosnie, moi aussi. Donc, au début, je travaillais juste sur le phénomène marial, sur qu'est-ce que c'est qu'une apparition aujourd'hui, comment ça se vit, comment ça se justifie, comment les gens l'assument collectivement, l'assument dans leur lieu de travail, etc. Et donc, j'ai dû y aller, je ne sais pas, 5, 6, 7 fois, avant de comprendre où j'étais, parce que ces lieux sont des lieux eschatologiques, ils ont des géographies particulières, et en travaillant sur les apparitions rwandaises, je me suis rendu compte que ces lieux dans lesquels apparaît la Vierge sont effectivement des lieux frontières, etc., etc. Ce sont toujours, pardon encore une fois de plus de vous interrompre, mais ces lieux, quand ils ont préexisté, ils ont une rémanence, on les retrouve... Oui. Bien sûr. D'accord. Ce sont des lieux politiquement incertains, dans lesquels un certain nombre de conflits n'ont pas pu se dire en termes politiques. Ils ont été, si certaines populations tâchent de les résoudre dans une langue spiritualisante, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé leurs identités, la constitution des États, etc., ne s'est pas fait dans une langue politique qui a trouvé sa fin. Ce sont des espaces irrésolus. Irrésolus, totalement irrésolus. C'était le cas au Rwanda pour les apparitions de Kibeo. C'est des lieux où peuvent se dire et se négocier des identités un peu autrement. Et puis ça devient, c'est pareil pour les apparitions de Lourdes, en France, c'était le même type de problème. Ce sont des lieux de négociation pour les perdants. Ils finissent par trouver des repreneurs, des porte-paroles, très souvent conservateurs, et c'est fini. Mais il y a quelques moments, les premières semaines, c'était pareil pour Lourdes, c'est d'abord plainte de ne plus avoir de biens communaux, que les repreneurs des biens révolutionnaires aient supprimé les biens communaux. Ça a été ensuite repris par les légitimistes, les ultras, pour un discours extrêmement conservateur, au contraire. parce que l'Église l'appuie. Mais dans un premier temps, c'est quelqu'un qui porte des potentialités différentes. Elisabeth Claverie, parmi l'évolution de vos travaux, vous avez fixé plusieurs chantiers qui ont quand même comme colonne vertébrale ce qu'on pourrait appeler une anthropologie de la violence. Évidemment, vous n'étiez pas parti exactement sur ces thèmes-là, sur ces questions-là. C'est ce que vous nous avez indiqué en début d'entretien. Parmi les interrogations, quelques-unes que je me permets de donner à l'antenne et à la connaissance de ceux qui nous écoutent. Ce que le droit fait à la guerre, ce que la guerre fait au droit. Travaux sur la description des conflits armés dans les procès pénaux internationaux. La description des conflits armés. Travaux également sur la formation des groupes armés. Pour ces travaux, vous êtes assis à de nombreuses reprises au sein du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, TPIY, qui a clos ses portes il y a peu. Je vais vous demander un exercice de mémoire, peut-être un peu éparpillé. Vous vous souvenez-vous de votre première séance, de la première fois où vous arriviez là-bas ? 1996. En 1996, j'ai commencé à suivre les audiences. Cette guerre, évidemment, puisque j'habitais dans ces familles, j'étais qu'un observateur, mais j'ai fini par travailler sur la région, etc. J'étais donc affectivement impactée. Et si vous voulez, ce qui pour beaucoup de gens en France, c'est revoir à la télévision des spectacles de gens avec une valise à la main, des réfugiés, enfin, etc. Et des gens derrière des barbelés, etc. Et puis entendre la dénégation des nationalistes, de Milosevic, de Karadzic. C'était tout à fait insupportable. On avait créé un collectif militant par ailleurs. Et donc, quand j'ai appris la naissance de ce tribunal, pour moi, ça a d'abord été investi dans un premier temps, d'un lieu qui allait combattre la dénégation des perpétrateurs, la dénégation des faits, et quelqu'un qui allait dire, qui allait prononcer, qui avait d'abord des moyens d'enquête, qui avait commencé ses enquêtes au cours même du conflit, puisque les enquêtes du TPI et le début du jugement dans l'affaire Tadic, pour Tadic par exemple, a commencé plus d'un an avant les massacres de Srebrenica. Et là, entendre des dénégations, je me suis... Pendant très longtemps, j'ai surtout travaillé sur les milices serbes. J'essayais sur le terrain de travailler. J'ai bien vu qu'il était difficile pour moi, étant donné mon niveau nul de langue, sans interprète. Et donc, le TPY m'est apparu comme un lieu d'enquête beaucoup plus gros, ayant beaucoup plus de moyens que moi, pouvant pénétrer dans les archives d'État, etc. Et donc, j'ai commencé à travailler là-dessus pour essayer, d'abord, je l'ai d'abord pris comme un descripteur des conflits, bassin de crime par bassin de crime, puisque moi, je connaissais surtout les crimes qui avaient eu lieu à Mostar, à Sarajevo, à Visegrad et dans ma région, en Herzégovine. Et j'ai quand même très vite compris, j'avais fait ma thèse aussi sur l'arrivée des procès d'assises en France et sur la façon dont les procès d'assises formataient les interrogatoires de telle et telle façon. Je me suis toujours intéressée à l'histoire de la justice. J'ai essayé de comprendre quelles étaient les normes de description dans un univers où le procureur devait apporter une preuve au-delà de tout doute raisonnable. Et d'autre part, promettait un procès équitable à armes égales, c'est-à-dire où la défense pouvait, en principe, être entendue, produire des témoins et surtout contre-interroger les témoins de l'accusation. Car il faut rappeler que le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie fonctionne sur le mode de la common law. Oui. Alors, on peut juste dire en deux mots pour que chacun qui n'est pas forcément fréquemment, quotidiennement au tribunal sache de quoi il est question. La procédure au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, et ce sera la même chose pour le tribunal pénal international pour le Rwanda, ces deux tribunaux, je dois d'abord dire que ce sont des tribunaux ad hoc, c'est-à-dire que leur compétence est liée pour le tribunal yougoslave uniquement aux événements qui ont eu lieu en ex-Yougoslavie, uniquement. La même chose pour le Rwanda. Et pour parler de la procédure est la suivante. Le procureur a la charge de l'accusation. C'est à lui d'apporter les preuves des actes qu'il a inscrits dans son acte d'accusation. Il produit des témoins, qu'on appelle des témoins à charge, donc qui défendent la cause de l'accusation, c'est-à-dire qui sont des témoins qui vont accuser le prévenu, le mis en cause, dans ces affaires. Mais qui ne peuvent pas, ces témoins, intervenir comme partie civile. Non, ils ne peuvent pas au TPY, ils ne peuvent pas intervenir comme partie civile. Mais néanmoins, à côté du tribunal, il existe des collectifs de victimes qui peuvent se présenter comme témoins. Ces collectifs de victimes peuvent présenter des personnes comme témoins contre l'accusé et ces collectifs de victimes ont accumulé des preuves. Vous savez, dans un village, quand à la fin des tueries, la personne survivante essayait de dire qui elle avait vu pour la dernière fois où, donc pour trouver les fosses communes, etc. Donc l'importance de ces témoins était très importante. Mais ces témoins, l'ensemble de ces témoins, qui peuvent être des témoins victimes, qui peuvent être des témoins experts, sont contre-interrogés par la partie adverse. Et de façon très, très serrée. Très serrée. Pour remettre en question le témoignage des personnes. Chacune des affirmations des témoins est mise en doute afin que le juge, dans ces procédures, le juge n'a pas de dossier préalable. Il comprend l'affaire jour après jour au fur et à mesure des témoignages oraux. Et ce sont des procès qui durent 3, 4, 5 ans à raison de 5 audiences par semaine, de 4 heures par semaine. Elisabeth Clavery, on va se retrouver demain pour la suite de cet entretien. On va laisser les auditeurs en suspens. Car je ne doute pas que certains d'entre eux auront à cœur d'entendre la suite de vos paroles. À demain. Demain, vendredi, Histoire vivante est à lire dans La Liberté. Les canons se sont tus il y a à peine 20 ans en ex-Yougoslavie. Même si la justice a envoyé de nombreux criminels de guerre derrière les barreaux, il y a encore un défi loin d'être gagné, celui du rétablissement des bonnes relations entre les populations locales. Le long chemin vers la réconciliation, un dossier à découvrir ce vendredi dans La Liberté.